petite et comme le vent, insaisissable, jamais là où on l'attend. C'est une brise légère, en quelque sorte un grand bol d'air. J'accroche mon sourire à ses lèvres et tout le reste. Un océan, une déferlante qui se brise sur la grève de mes sentiments. Parfois calme et sereine, l'instant d'après tout retourné. Si j'ai de mes joies, si noie mes peines, c'est un éden. Oh, un havre de paix. Agite les entrailles de mon être. C'est une ritournelle, quelques notes qui me donnent des ailes. Un petit cœur qui bat le rythme de ma vie. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, le rythme de ma vie. Elle met des rimes à mes paroles, alors soudain mon cœur s'envole. Une légère touche de poésie valse autour de ma fée. Lorsque battent ses petits cils, je suis un magicien comblé.